Québec, nous devons collaborer avec les institutions établies et avec les gouvernements établis. Nous leur disons que nous ne serons pas complices de leur turpitude et que nous voulons contribuer et collaborer à aucun prix, dans aucune circonstance. On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Hey, bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Je suis Nicolas en compagnie de François, qui a pas ouvert son micro, et exceptionnellement de Stéphane. Allô, allô. Donc, bonjour. Donc François a ouvert son micro. C'est bon. Cette semaine, on va parler de conservatisme moral et, en fait, de toute l'offensive idéologique autour de tout ça, avec Stéphane qui nous a fait une petite recherche juste pour nous. Non, c'est pas vrai, il fait une recherche de toute façon, puis nous, on en profite. On va aussi s'entretenir avec Jonathan Carmichael du Bureau d'animation, information, logement sur la discrimination lors de la recherche de logement. Ici, on a le temps, on va faire le tour de quelques nouvelles internationales, parce qu'il se passe des choses dans le monde. Le monde ne s'arrête pas à Lévis. Et voilà. Donc, mais avant ça, comme Jean-François n'est pas là, quand Jean-François n'est pas là, les souris dansent et préparent d'autres genres de musique. Fait qu'on s'en va en musique. Ben oui, déjà. Donc, c'est ce qui est le fun. C'est ça, c'est quand c'est moi qui fais la mise en onde, c'est qu'on entend autre chose que du reggae. Ou du oi. Là, on va entendre un groupe que j'ai découvert en écoutant des trucs sur le Perce-Oreille, site internet sur lequel il y a toutes sortes de beaux MP3, sur toutes sortes de trucs subversifs. L'expérimentation sonore. Exactement. Et puis là, il y avait un truc d'une heure sur les queer. Puis là, il y avait un groupe qui jouait, c'était King's Queer. Puis là, j'ai un espèce de trip de ce temps-ci sur les queer. Alors, on va écouter ça. King's Queer, mon trou du cul est révolutionnaire. Vous êtes à Voix de fait. Entre nous, calcifiés. Pendant trop longtemps, vous les avez psychiatrisés. Pendant trop longtemps, vous les avez bâillonnés. Pendant trop longtemps, vous les avez humiliés. Entre vous et nous, le torchon brûle. Entre vous et nous, le torchon brûle. Il y a la guerre contre qui? Contre nous, par qui? Le sexe est politique. Alors politise ton sexe. Soyons stratégiques, appliquons la bonne tactique. Nous sommes tous des trans-pédéguines sans papier. Nous sommes tous des sex workers sans domicile fixe. Nous sommes tous des queers, immigrés, clandestins. Nous sommes tous des nomades, zéro positif. Et avec Paul, on s'envole. Et avec Tulle, on cule. Et avec Paul, on s'envole. Et avec Tulle, on s'encule. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. Trouvez-nous, le torchon brûle. Entre eux et vous, le torchon brûle. Et avec Yol, on s'envole. Et avec Tulle, oh, on s'encule. X, Y, enfermé dans la boîte à système. Avec Paul, on s'envole. Avec mon tulle, on s'encule. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. Entre nous, le torchon brûle. Entre eux et vous, le torchon. Toi aussi, vite dans l'assiette, sinon pas de dessert, en pénitence dans ta chambre. J'aime pas ça qu'il y a dans mon assiette, tac. C'est bon, c'est moi qui ai fait ça pour vous autres. Hey, vous écoutez Voix de Fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Puis à Québec, samedi, il va y avoir le congrès annuel de campagne Québec Vie. Alors ça, c'est pas une association sportive qui milite pour le sport étudiant. C'est en fait un lobby ultra-conservateur pro-vie, anti-choix, qu'on devrait dire plutôt, qui se réunit sur le thème « Une lutte pour l'âme du Québec, deux visions du mariage et de la famille ». Et on se doute bien que ils ont une vision un peu particulière du mariage et de la famille. En fait, ils vont se réunir pour faire leur congrès annuel, qui va leur permettre de voir sur quel thème ils vont plancher l'année prochaine, mais aussi pour échanger sur un ensemble de thématiques qui vont de l'activisme pro-vie dans l'Église à les adolescentes et l'avortement, à comment guérir votre enfant si vous rendez compte qu'il est homosexuel, parce que en fait il est pas homosexuel, c'est de l'homosexualisme qui va dans notre société, en fait. C'est une idéologie, et donc c'est ça, tout ce beau monde là en fait ils espèrent pouvoir avoir un impact au niveau des consciences, puis percer au niveau médiatique. Et c'est ça fait partie d'une mouvance. On a l'impression que c'est moins présent au Québec que ça peut l'être au Canada anglais ou aux États-Unis, mais toute une mouvance activiste conservatrice qui va beaucoup beaucoup beaucoup sur le front culturel. Puis ben il y a Stéphane qui se pose beaucoup de questions là-dessus, puis qui est avec nous pour nous en parler. Effectivement. Ben oui, parce que la coalition Québec Vie, comme tu dis, ça on pourrait voir ça comme un mouvement pro-vie, donc pour reprendre leur terminologie qui est déjà une forme de propagande, puisque effectivement c'est plus anti-choix là, comme tu dis. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est un événement qui est un petit peu particulier cette année, puisque comme tu l'as rappelé sur le blog de Voix de Fait, il y a pour la première fois donc l'Église catholique officielle, Monseigneur Ouellet, qui va participer à la conférence, donc qui soutient cet activisme radical intégriste finalement. C'est quand même une première, donc je pense que ça vaut la peine d'en parler, puis d'essayer de replacer ça un petit peu dans le contexte. Moi, la façon dont j'ai décidé de vous présenter en fait la coalition Québec Vie, c'est de le voir effectivement comme tu disais, une sorte de mouvance. La première chose que j'aimerais rappeler, c'est que la coalition Québec Vie, c'est pas tout à fait une entité autonome. C'est-à-dire que si tu vas sur le site de la coalition Québec Vie, tu vas voir en bas à droite. En fait, c'est campagne Québec Vie. Si vous voulez le trouver, campagne, ou c'est campagne, c'est pas coalition. Ah oui, la campagne. Oui, j'avoue, coalition, ça fait un peu gauchiste hein, quand même hein, pour eux. Donc campagne Québec Vie. Donc si tu regardes sur leur site web en bas à droite, tu vas voir qu'il y a un petit dépliant, un petit pamphlet qui t'amènera sur le site de la revue Égard. Donc déjà, on voit qu'il y a quelques liens. Puis, d'ailleurs, si t'es intéressé par les activités de la campagne Québec Vie, tu peux recevoir une newsletter. Puis, pour quelques dollars de plus, on te proposera aussi de t'abonner à la revue EGA. Donc, on voit qu'il y a non seulement des liens idéologiques que je vais préciser un petit peu plus tard, là, mais aussi des liens structurels. Là, c'est quand même bien pratique d'avoir une rentrée d'argent pour l'un comme pour l'autre, de partager le secrétariat, des petites choses comme ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir que la campagne Québec Vie, ça n'existe pas tout seul. En fait, ça a été c'est une organisation qui a été fondée par Luc Gagnon et Richard Bastien. Et Richard Bastien, donc si tu regardes, c'est aussi un des fondateurs de la revue Égard, celle que je viens de mentionner à l'instant. La revue Égard, c'est quoi ça? T'en parles comme si c'était évident. Mais... Oui, c'est ça. Ben en fait, je vais la présenter un petit peu plus tantôt. L'idée, c'est de montrer que finalement, c'est un genre de think tank finalement. C'est une constellation. Voilà, c'est une sorte de constellation de nébuleuses idéologiques. Puis la campagne Québec Vie, c'est vraiment très très proche de la revue Égard en tant que telle. Fait que d'ailleurs, si tu regardes sur le registre des entreprises du Québec, tu verras que la campagne Québec Vie, ça a été enregistré en 2009. En 2007, on appelait dans le registre des entreprises, on l'appelait la librairie Ville-Marie, qui est la librairie principale de distribution de toute la propagande de Égard, de leurs journaux, etc., etc. Et puis en 2002, le premier nom en fait sous lequel la campagne Québec Vie était déclarée au registre des entreprises du Québec, c'est Égard. Donc il y a vraiment des liens qui sont plus que très forts là. Donc ça, là, je pense, c'est ça vaut la peine. Structurel. Oui, en fait c'est vraiment ça. Donc c'est deux aspects d'un même genre de think tank, d'activisme politique, théologique, etc. Fait que la façon dont j'aimerais bien qu'on aborde ça, c'est d'essayer de resituer un petit peu où est-ce que ça se situe Égard, la campagne Québec Vie. Puis pour ça, je te propose un premier petit jeu. C'est un jeu des idéologies politiques. Alors un jeu à voir fait. Une sorte de jeu, même si c'est un peu bizarre hein, comme idée. Première question. D'après toi, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est une doctrine économique qui vise à la libéralisation des marchés. Ouais, ça se t'accorde un point. Allez, un trois quarts de point, parce que on se connaît bien. Mais l'histoire, c'est que t'as deux formes de libéralisme, en fait. T'as un libéralisme économique, donc comme tu le dis, effectivement, il vise à libérer les marchés. En fait, c'est le capitalisme, le libéralisme économique. Mais t'en as un autre, le libéralisme politique. Donc lui, il est né en Angleterre quand on a commencé à couper les têtes des rois, etc. Après, en France, donc 18e siècle, aux États-Unis, c'est vraiment inspiré de la philosophie des Lumières. C'est l'idée que... L'idéologie radicale bourgeoise. En fait, c'est l'idée donc qu'il y a une nécessité de fonder le système politique sur la pluralité des partis politiques. Et effectivement, historiquement, c'est pas mal des partis bourgeois qui l'ont dominé. Mais il y a quand même l'idée derrière tout ça, là, d'une liberté de citoyens de choisir leurs dirigeants, la conception d'un État capable d'arbitrer les conflits, le vote, le parlementarisme, les élections libres. Donc ça, grosso modo, c'est le libéralisme politique. Ça a l'air d'être assez consensuel quand même, de façon générale, au moins au Québec, on doit dire. Puis donc les deux vont pas forcément ensemble, hein, libéralisme économique, capitalisme et libéralisme politique. T'as qu'à penser au Chili, Pinochet, exactement, très bon exemple. Donc on n'a jamais remis en cause le capitalisme, par contre les élections, il a fallu attendre qu'il soit mort. Hein. Alors, question même suivante. Après, comme dirait Richard Desjardins, quand faut-il avoir le choix? Ouais. On peut avoir des élections, donc choisir. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y aurait moyen de faire des petits parallèles ici aussi. Question suivante. Le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est une radicalisation du libéralisme, mais juste dans sa phase économique. Oui, effectivement. En fait, c'est vraiment une doctrine donc idéologique, mais de droite vraiment pour le coup. Donc, c'est que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Donc, le marché, le capitalisme, il doit être totalement autonome. L'État, il doit se concentrer dans les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, l'armée, la police, le droit, la justice, les fonctions et qui les nous prisons. Plaisent le plus. Voilà, c'est ça exactement. Donc, tous ces aspects particulièrement progressistes de l'État. L'État nous écrase d'impôts. Voilà, c'est de cet État-là dont on parle. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec le niveau libéralisme donc, que je viens de décrire, il y a vraiment un projet aussi de déstructuration des instances sociales, économiques qui auraient pu émerger dans le courant de la social-démocratie. Donc, dans les Trente Glorieuses, t'as un État qui intervient beaucoup sur les questions sociales, économiques. On veut mettre ça à terre, dégraisser le mammouth, etc., etc. Donc, toujours le même registre. C'est la révolution tranquille, c'est la pire tragédie qui est jamais arrivée au Québec. Hein. Ah, ça, on va y venir. Ça, on a dû te rapprocher d'autre chose, en fait, tu vas voir. Alors, qu'est-ce que c'est que le conservatisme? C'est des boîtes de conserve dans lesquelles on met des petits pois. Ouais, je pense que ça peut coller, mais disons, ça serait peut-être le sens figuré. Parce que le au sens propre, le conservatisme en tant que doctrine politique toujours, donc c'est une philosophie politique qui se développe en réaction au libéralisme. Donc c'est déjà, tu te souviens, hein, la théorie des Lumières dont on vient de parler, etc. Les gens qui choisissent leur gouvernement, oh là là là là, il faudrait pas. Donc ça commence à se profiler le conservatisme au début de la réforme protestante vers le 15e siècle. On sent qu'il y a des petits liens idéologiques. Mais c'est surtout avec la Révolution française, en fait. T'as tout un tas de gens qui vont s'estimer contre-révolutionnaires et qui veulent défaire finalement tous les acquis du libéralisme. Et qui s'oppose, mais alors fortement, mais virulent, même de manière très virulente. Des fois, c'est assez surprenant de voir au XVIIIe siècle comment les gens pouvaient être agressifs politiquement. Donc, ils refusent complètement tout progrès social, la possibilité de réforme. Ils remettent en cause la liberté sexuelle, l'égalité homme-femme, la laïcité, les droits des homosexuels, le fameux homosexualisme dont on parlait tantôt, le droit à l'avortement, etc. Alors, au XVIIIe siècle, les droits des homosexuels, on s'entend que... Ouais, en même temps, ça commençait à émerger aussi. Il y avait des gens forcément qui commençaient à en parler un petit peu. Puis c'est quelque chose qui a longtemps accompagné l'histoire de l'humanité aussi. Là, c'est pas... parce qu'ils sont comme plus sortis du placard au XVIIIe siècle. Grosso modo, on n'en parlait pas avant. Là. Donc... on parlait de sorciers. Donc, le conservatisme, c'est une opposition virulente à l'idéologie des Lumières. C'est un petit peu ça. Donc, contre, finalement, cette raison abstraite, là, qui devrait faire que les hommes sont égaux, puis qu'ils peuvent choisir. Est-ce qu'on a le temps de parler un peu de néoconservatisme ? Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Est-ce que tu veux te tenter ? Le néoconservatisme, c'est... Attends, si le néolibéralisme, c'est juste sur l'économie, je te dirais que le néoconservatisme, c'est juste sur la morale ? Pas tout à fait. En fait, le conservatisme, il s'occupe plus de questions morales, je te dirais, que les néoconservateurs. Mais il y a un petit lien quand même. Il y a quand même des passages. Là, c'est vraiment pas des choses étanches. Donc, le néoconservatisme, lui, naît plus dans les années 80. Il est formulé par des grands think tanks américains, là, comme Rand Institute, Hudson Institute, l'Azur de Jérusalem, etc. Parce qu'il y a souvent. C'est les néocons, là. Voilà, les néocons, là, c'est ça. Donc là, on parle de Bush, de Reagan, un peu Tony Blair, dans une certaine mesure, et tout ça. Donc, eux, ils veulent défendre la puissance militaire américaine. Remodeler l'ordre international, hein, donc rien de moins, là, cette histoire de grand Moyen-Orient hyper démocratique. Créer un nouveau consensus canadien. Ouais, un peu, ouais, c'est forcément, Harper est tout à fait, hein, dans la veine néoconservatrice. Donc, ils sont contre le, en fait, ils refusent le déclin de la puissance américaine, parce qu'après le Vietnam, forcément, ça commençait à sentir un peu le roussi. Eh bien non, il faut se redresser et il faut combattre. Et donc, il faut revaloriser l'outil militaire. On dégage l'ONU, parce que forcément, c'est juste des droits de l'hommiste, des multiculturalistes politiques, etc., etc. Probablement plein d'homosexualisme. Ah oui, ça, il faut pas en douter aussi. Des sous-hommes. qui viennent de partout dans le monde, en plus. Donc, ce qu'ils veulent... C'est des sous-hommes. ce qui guide le néoconservatisme, c'est vraiment la clarté morale, l'hégémonie bienveillante. Et donc, forcément, le soutien à Israël aussi, parce que j'en parlais tantôt, on remodèle le Moyen-Orient, mais il y a un pays qui ne se pas remodeler, qui est plutôt au centre du pays, du puzzle, là. C'est Israël, bien sûr. Donc, grosso modo, il y a une assise morale dans le néoconservatisme aussi. Les États-Unis, c'est le bien. On va le dire comme ça, là, c'est pas très compliqué. C'est le monde libre. Voilà, le monde libre, c'est bien, c'est le peuple élu, c'est dans la Bible, exactement comme tu veux, etc. Tu peux en faire toutes les lectures que tu veux. Donc, pour reparler un petit peu plus de l'opposition... Nous sommes tous américains. Oui, exactement, particulièrement moi. Et... Donc Freytag, je ne sais pas si tu connais Freytag, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, hein, prof à l'université. C'était un syndicaliste à la... Non, c'est pas ça. non, ça aurait pu. Un prof d'université donc, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Philosophe. Oui, philosophe, sociologue. Sociologue plutôt, oui. Mais pas mal philosophe aussi. Donc lui, en fait, il voit dans le modernisme l'idée, donc un peu proche du libéralisme, donc l'idée que la reproduction de la société, elle peut être assurée par sa dimension politique, tu vois, et institutionnelle. Donc il y a la possibilité politique de changer l'ordre social. On peut le remettre en cause. C'est grosso modo ça l'idée du modernisme. Pour lui, le conservatisme, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que la reproduction de la société, elle est organisée sur une dimension culturelle et des symbolismes particuliers. Donc grosso modo, la religion. Donc il y a une transcendance. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Une transcendance, ça veut dire que, grosso modo, les humains, eh ben, n'ont pas de libre arbitre. C'est la nature. Plus que ça, c'est Dieu. C'est Dieu, donc, qui doit être instigé comme principe régulateur de la société. Oui, c'est assez bizarre de parler de ça à voix de fait, mais oui, effectivement, les gens c'est de la Dieu. Campagne Québec-Vie, on le voit, donc, si tu vois, ils ont quand même une religion qui est très, très, très présente dans leur idéologie. Donc, tout ça, ça m'amène, donc, ce petit jeu-là des positions idéologiques, ça m'amène à te parler, en fait, de Égard proprement dit, donc, la même branche que le Campagne Québec-Vie. La version papier. Voilà, la revue papier, effectivement, c'est une revue papier. Donc, pour Egard, en fait, le but visé, c'est de, l'idéologie d'Egard, il l'affirme en tant que tel, c'est le conservatisme moral. Ouais, ils sont pour une révolution conservatrice. Voilà, pour une révolution conservatrice, exactement, c'est le slogan de la revue Egard. Donc, une revue qui a quand même fait une coupe de numéros, hein, je pense qu'ils en sont au numéro 45, c'est pas mal pour une revue. As-tu une idée de leur tirage? Non, aucune idée de leur tirage du tout. Là. Puis, les revues, c'est toujours un peu confidentiel. Hein. Ouais, puis surtout, disons, ouais, ils cherchent pas non plus à donner des chiffres ni sur leurs états financiers ni quoi que ce soit, donc on le retrouve pas comme information. Puis donc la révolution conservatrice, ça fait combien de temps que ça existe? Depuis 2002. Pas 2002, mal, ouais. D'accord. Pas mal quand même. C'est somme toute récent, mais en même temps, ça commence à dater. Ouais, mais la revue peut-être en tant que telle 2006-2007, il me semble, mais bon, faudrait voir ça. Donc ce que je veux te présenter, en fait, c'est les 6 principes, rapidement, hein, du conservatisme moral. Là, faut pas trop s'attarder non plus. C'est intéressant de les connaître, mais faut mettre des limites à un moment donné. Donc, le premier principe de la révolution conservatrice, qui est mis en avant donc par Russell Kink, là, l'idéologue l'égérie un peu de Egard, donc c'est la croyance en un ordre transcendant, un rejet de la société sans classe. Donc, c'est-à-dire que dans une société, il faut de l'ordre, il faut des classes, et il faut qu'il y ait un principe transcendant, donc toujours le même recours à la religion pour justifier l'état de la société, quoi. Donc vraiment un principe politique important. C'est bizarre, hein, de parler de ça quand même en 2010, hein, mais bon. Le deuxième, c'est qu'il faut rester avec un attachement profond au mystère de la vie et de la vie humaine, un rejet de l'uniformité étriquée de l'égalitarisme radical, donc toujours cette même idée qu'une société qui est pas égalitaire, c'est bien. Et puis, donc, le mystère de la vie, ça renvoie un peu à des théologies aussi. Chaque chose à sa place, chaque torchon sa guinée. Voilà, exactement. Chacun à sa place, je pense que ça, c'est vraiment une bonne façon de dire les choses. D'ailleurs, je pense que pour eux, on doit pas mal déroger à notre place ce soir. Le troisième principe, donc le rejet d'une société sans classe, ils sont pour l'ordre dans une société, donc là, s'il vous plaît, un peu d'analogie avec les mouvements fascistes ou quoi que ce soit. Le quatrième principe, une certitude que la liberté va de pair avec la prospérité, d'où l'importance de préserver la propriété privée. Donc sinon, on rentrerait forcément dans l'antre du Léviathan. C'est, alors le Léviathan, c'est un monstre biblique, enfin bon bref, tout un tas d'analogies. Mais c'est pas l'État aussi, selon Hobbes? Oui, il a écrit c'est effectivement une métaphore, une métaphore de l'État, ouais, d'un État plutôt... L'État, ce monstre froid. Voilà, c'est ça, l'État-providence qui s'occupe de tout. Là. Donc, effectivement, une analogie qui rappelle Hobbes aussi. Mais surtout, en fait, d'asseoir la propriété privée, sinon de montrer que finalement, c'est l'enfer sur Terre, comme le prédit la Bible. Là. C'est un peu ça l'idée. Il y a un refus aussi du néolibéralisme abstrait. Ça peut sembler un petit peu étrange. Donc, tu vois, c'est pas du tout comme les néocons où on peut très bien s'acclimater avec le néolibéralisme, etc. C'est plus un retour moral. C'est beaucoup plus de ça dont il s'agit. Et en fait, d'ailleurs, le sixième point, c'est vraiment de maintenir le statu quo, d'avoir un refus des réformes. Ça peut paraître bizarre de pas vouloir du tout que ça change, mais c'est écrit comme ça sur leur site web. C'est, on veut pas que ça change, quoi. Donc, c'est des réactionnaires au sens propre. Effectivement, ouais, des conservateurs qui remettent bien en cause, on voit un peu tous les principes donc de la révolution des Lumières, donc un groupe qui est pour Dieu, pour l'ordre, anti-marxiste, capitaliste, anti-progressiste. Donc c'est vraiment un mouvement, je pense qu'on a beaucoup d'affinités avec des gens comme ça. D'ailleurs, on va les rencontrer le 15 mai. Oui, ça devrait être, j'imagine, des discussions à tête reposée. Donc... voilà. Egard, c'est pas mal ça, je te dirais, comme genre de pensée idéologique, la nébuleuse idéologique. Ouais. Ça, c'est Campagne Québec Vie. Oui. Donc, c'est pas ça, mal la même chose. C'est, ok. Fait que peut-être pour finir, là, il nous reste pas tant de temps que ça. Ah, quand même. Je te propose quelques petites citations pour essayer de mieux comprendre un petit peu qui est derrière Egard, qui c'est en fait. Alors, Jean Renaud, le directeur de Egard. Donc, pour te montrer qu'ils ont des points de vue très radicaux. Par exemple, quand ils parlent des commissions des droits de la personne, qui ont voulu censurer quelqu'un qui avait écrit quelque chose de très insultant à propos de l'islam, etc. Donc, Jean Renaud, je le cite, « enjoint à la perfection le rôle peu enviable des idiots utiles, les faux sages de la commission des droits et libertés des droits des ennemis du Canada ont démontré qu'ils ignorent autant que le droit et la liberté, autant le droit que la liberté. » Donc faux sage, idiot utile, etc. Ou Dantec, tiens, qui est un proche aussi de Egard. Ah, c'est un écrivain. Oui, un écrivain français qui avait des liens avec l'extrême droite identitaire, qui ont été révélés par le journal Le Monde en 2003, donc ça fait vraiment un scandale en France. Il était déjà venu ici, converti au catholicisme, c'est un chrétien pas mal zélé, en fait, tu vas voir comment il se définit. Donc on lui parle, par exemple, du conflit islam-occident, Et Dantec, donc, il répond « Ce conflit est vieux de 14 siècles. Il est brutalement réalisé à l'heure de l'Armageddon nucléo-orbital. » Nucléo-orbital. Oui, nucléo-orbital. On n'en est pas déjanté à peu près. Donc, cela, vous le savez, est écrit dans les deux testaments. Ça fait froid dans le dos. « Je suis un chrétien sioniste. Je crois en la civilisation occidentale, opposée à l'islamisation de la France et de l'Europe, opposée à la barbarie néo-nazie des organisations terroristes palestiniennes, pour les États-Unis contre l'ONU. » Il y a aussi Jacques Brassard qui signe des articles du genre « Bravo Monsieur Bush », qui dit que le réchauffement climatique n'existe pas, que c'est de la propagande réchauffiste, qui parle de la solitude d'Israël, qui est vraiment le seul pays démocratique tout seul et que nos journaux sont trop méchants avec. Ils sont bien sûr contre la gauche, ils dénoncent l'islamo-gauchisme. T'as par exemple Jean-Charles Chebat, qui est un prof au HEC, qui est très très proche de la revue Égard, qui est aussi membre de l'Institut Hayek, donc tu vois, c'est quand même une certaine convergence idéologique. Mais c'est Hayek, donc près de l'Institut économique de Montréal, dans le fond. Je sais pas si probablement, je sais pas, d'avoir un lien entre ça. L'Institut Hayek, c'est okay. vraiment un think tank néoconservateur là, très très très connu là. Hayek, c'était pas un économiste? Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais, ouais. Néolibéral ou néoconservateur, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Peut-être voir un peu plus les nuances. Ouais, on va attendre le courrier des lecteurs. Puis pour te donner encore une petite phrase marrante là, par exemple Jacques Brassard, donc l'ancien ministre péquiste qui est maintenant proche de Égard, et Jean Reno, donc eux ils ont signé un texte qui s'appelle le ralliement identitaire. Donc tu vois, ça commence par une sorte de gros vitrail avec le Québec, le Monseigneur Laval, je sais pas trop quoi là. Puis donc eux ce qu'ils disent, c'est que pour les immigrants, un cours de linguistique français, ça suffit pas, de francisation, ça suffit pas. Il faudrait leur donner en fait une initiation à la culture gréco-latine et judéo-chrétienne. Donc des cours de catéchèse pour les nouveaux immigrants. Voilà. C'est pas mal de ça dont on parle. Et qu'il nous reste très très très peu de temps. Encore un peu. Donc on rappelle, c'est les gens des QSV là, c'est ça. C'est QV là, la campagne Québec Vie et Gare, en fait, qui sont un peu la même chose. Là, tu t'en vas vers d'autres stations. Je peux encore une dernière. Oui, vas-y. Donne ta dernière, puis après ça, on va. Je voulais te parler peut-être. Oh, j'en avais deux même, en fait, je t'avouerai. Il y en a une. Je voulais juste expliquer un peu comment ces gens-là conçoivent la politique. C'est un texte de Gilles Labelle, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa, qui les a beaucoup étudiés, qui a sorti deux articles en 2006-2007. Je te résume un passage, grosso modo, pour Jean Reno. La période qu'on est en train de vivre actuellement, c'est celle qui correspond, en fait, qui annonce l'apocalypse tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament, donc comme le règne, le retour de l'Antéchrist. Et grosso modo, l'idée, c'est que toute la question politique, elle se résume au catéchon, donc c'est-à-dire que la fin du monde s'en vient, il faut essayer de convertir le plus d'âmes possible pour préparer la grande bataille finale des catholiques contre l'Antéchrist, et si jamais on réussit pas, ben c'est l'islam qui va gagner. Voilà, grosso modo, c'est ça leur idéologie. Donc tu vois, des gens tout à fait posés, rationnels, pas du tout extrémistes. Donc c'est quand même intéressant. Et pour finir, après je te laisse m'emmener là où tu veux, je vous propose un petit avant-goût, disons, de leur stratégie politique. Donc, à l'exemple des conservateurs américains, Égard voudrait susciter, pour atteindre l'objectif donc du conservatisme moral, une bataille ou une lutte culturelle, consistant dans un premier temps en un harcèlement systématique des positions tenues par la classe intellectuelle et médiatique que promeut la doxa gauchiste. Ce n'est que dans un deuxième temps, à long terme, après que la guerre culturelle aura été gagnée, qu'il sera possible d'envisager le passage au combat politique. Comme l'écrivait l'un des membres du comité de rédaction après les dernières élections fédérales, on ne peut espérer mettre fin à cette tyrannie du sécularisme par de simples victoires électorales du Parti conservateur. Ce qu'il faut, c'est recréer dans l'ensemble du pays une véritable culture judéo-chrétienne, une culture conservatrice. Et là, on comprend mieux ce qui va se passer à Québec le 15 mai, c'est-à-dire que ça va être des questions qui vont être définies selon un agenda conservateur, moraliste, qui repose sur finalement l'affirmation d'une identité fabriquée judéo-chrétienne avec des principes moraux, religieux derrière ça, des gens qui prochent un ordre dans une société qui est hiérarchisée, qui est divisée en classes et qui nous disent que c'est très bien, et qui s'opposent bien sûr au droit des femmes à disposer de leur corps au nom de toutes ces foutaises. Voilà. Eh ben, donc, si on résume... Rendez-vous le 15 mai. C'est ça. Oui, effectivement. Alors... Bon, campagne Québec Vie, un lobby comme les autres qui se réunit à Québec en fin de semaine. Faudra revenir sur la stratégie des néocons, parce qu'il y a quand même quelque chose là. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment... En fait, vraiment c'est les mêmes qui, aux États-Unis, doivent dire « ça sert à rien de s'occuper de l'environnement, parce que de toute façon, le jugement dernier arrive, alors Jésus va nous sauver, alors ça sert à rien. » En même temps, c'est drôle, parce que tu vois, par exemple, Gary Caldwell, qui est un des proches de Hegar aussi, qu'on appelle un Red Tory, bien là, il était assez proche du Parti conservateur, puis de la DQ. Et là maintenant, il est au Parti Vert. Donc tu vois, ils sont en train d'essayer aussi de reformuler finalement la pensée écologiste en termes de protection de la nature que Dieu nous a donnée, etc. Les identitaires, ils font ça en France aussi. Oui, là, effectivement, les identitaires ont une branche écolo. Ouais. Oui, oui, oui. Oh boy, oh boy, oh boy. Est-ce que Jonathan est arrivé? Non, je ne crois pas. Et on va vérifier. Ouais, est-ce que je mette une toune? Mettons une toune. T'avais pas une super toune, justement, là? Ben, écoutez, oui, donc, un grand classique, René Binamé, en l'honneur du cardinal Ouellette. Donc, il va être justement là le 15 mai. Alors, la dernière tentation du pape. Vous êtes à voix de fait. Quoi, faut vraiment être con militaire pour donner des noms comme ça. Hey, vous êtes toujours sur les ondes de Voix de Fée à CKIA 88.3 à Québec. Alors, mardi le 11 mai dernier, c'est hier finalement, ou avant hier si vous nous écoutez demain, il y avait une quarantaine de personnes qui manifestaient devant les bureaux du ministre Laurent Lessard, qui est ministre de la corruption et du favoritisme, ministre des Affaires municipales, donc pour dénoncer la discrimination dans la recherche de logement. Puis ça tombe bien, on a avec nous Jonathan Carmichael du Bureau d'animation et information de logement pour en parler. Bonjour Jonathan. Salut Nicolas. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, t'es reposé de ta manif? Ah oui, oui, oui. Est-ce que le Canadien était en train de gagner? Il me semble que oui. Quand même, hein? C'est. Ben, en fait, premièrement, vous manifestez contre la discrimination dans la recherche de logement. Puis là, on se dit, on est en 2010, dans une société civilisée. C'est quoi ça, la discrimination dans la recherche de logement? Eh ben, c'est assez surprenant hein, que ça puisse encore être... Moi, en tant qu'homme blanc ayant un salaire fixe, j'ai jamais vécu de discrimination dans la recherche de logement. Dans les groupes, dans les comités logement, on reçoit des appels quasiment quotidiennement là, sur des gens qui tirent le diable par le queue pour se trouver un logement. Puis nous autres, on a profité, dans le fond, c'est la période actuelle là, où les gens se cherchent un logement. Il y a 400 000 déménagements à peu près par année, selon les chiffres d'Hydro-Québec. À la grandeur du Québec, oui. Donc voilà, on a profité de la période intense où les gens cherchent un logement pour dénoncer un peu, dans le fond, l'inaction des gouvernements, parce que là, actuellement, c'est un peu le Far West au niveau de la recherche de logement. C'est un vide juridique, il n'y a absolument aucune loi qui encadre ça. Donc là, les gens, quand ils n'ont pas justement le profil à être blanc et travailleur, sans enfant, donc les gens qui n'ont pas ce profil-là, les gens à l'aide sociale, les immigrants, les monoparentales, les gens en itinérance. Donc eux, ben ces gens-là vont souvent être confrontés aux préjugés puis la discrimination des propriétaires, qui vont préférer sélectionner des locataires ayant un profil économique plus profitable pour eux. Mais souvent, on veut parler aux gens là, de discrimination, puis la plupart des gens vont dire « Ouais, mais le propriétaire, il est quand même propriétaire du logement, il a le droit de choisir. » Tu dis qu'il y a un vide juridique. Est-ce que le propriétaire a le droit de choisir ses locataires? Puis sur quelle base? Quand on parle de discrimination, ce que je veux savoir, c'est quand on parle de discrimination, est-ce qu'on parle strictement en termes politiques ou on parle aussi d'un phénomène, comment je pourrais dire, est-ce qu'on peut se plaindre de discrimination? Oui, c'est possible de se plaindre. Dans le fond, dans la loi, ce que ça dit, dans le fond, c'est que le propriétaire a le droit de vérifier si les capacités de payer d'un locataire. Ça, donc, là-dessus, il a le droit de faire ça. Un locataire, le problème, c'est qu'on va toujours supposer que le locataire, mettons, qui est à l'aide sociale, qui sera pas capable de payer le loyer, tu sais, sans aller vérifier nécessairement plus loin, tu sais, s'il est vraiment capable. Donc, dès que t'es à l'aide sociale. C'est basé sur des préjugés. C'est basé sur des préjugés parce que, de toute façon, tu sais, nous, on le sait, puis moi, j'ai travaillé longtemps avec les gens à l'aide sociale aussi, puis souvent, la première affaire que les gens à l'aide sociale vont faire, c'est payer leur loyer. De toute façon, ils ont pas les moyens, les autres, de déménager, puis ils savent bien qu'ils vont être confrontés à un paquet de préjugés quand c'est le temps d'en trouver un autre. Fait que quand ils ont eu la chance d'avoir un logement, ils paient leur loyer. Bon, ceci dit, c'est le vide juridique au niveau de la recherche de logement. Il y a quand même possibilité de porter plainte, mais la seule chose qui encadre ça, c'est la Commission des droits de la personne, actuellement, où lorsqu'un locataire est victime de discrimination, où ce qui doit passer, donc c'est par la Commission. Puis là, on parle de délais extrêmement longs, donc entre le temps où on dépose notre plainte puis le temps qu'on va être entendu, c'est 3 ans. Trois ans de temps, puis ce qu'on peut recevoir, c'est des indemnités qui peuvent quand même être assez intéressantes au niveau de la commission. Si on réussit à prouver, parce que là aussi, il y a toute la problématique de réussir à prouver qu'on a été victime de discrimination. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est que dans le fond, c'est que ça donne pas accès à un logement à la personne qui a été discriminée. Donc, c'est là qu'on voudrait que le processus soit encadré juridiquement, que la régie du logement puisse intervenir dans le cas de discrimination. Donc, voilà. Donc, si les gens sont victimes de discrimination, ils peuvent aller à la commission, mais comment ça marche? Qu'est-ce que les gens peuvent faire, en fait, s'ils sont victimes de discrimination? Autre de dire, bon, ben, tant pis, je vais passer mon tour, je vais aller chercher un autre ailleurs, là. Y a-t-il une démarche à faire? Parce que bon, c'est sûr, tu le sais, t'es discriminé, mais qu'est-ce que vous suggérez aux gens de faire par rapport à ça? Ben, premièrement, on va leur dire de nous appeler, là. C'est sûr, c'est appeler dans les groupes logements pour savoir un peu quoi faire, parce que c'est sûr que les gens, souvent, quand ils sont dans cette situation-là, puis souvent, c'est pas la première fois que ça arrive, donc ils vont être un peu en panique, parce que là, ça fait 5 fois, 10 fois, 15 fois qu'ils vont visiter des logements, qui se font refuser, tu sais, pour des causes de discrimination, avant de se dire, ben là, il faudrait peut-être que j'essaie de voir au niveau de la commission. Puis, au niveau de la commission, il faut être assez précis, au niveau des, parce que là, on a la charte, hein, tu sais, puis pour que la commission intervienne, il faut que la discrimination soit basé sur un des motifs de la charte. Fait que là, c'est là souvent aussi le problème, c'est que les gens, dans la panique, ils expliqueront pas toujours leur problème en fonction d'un des motifs. Donc, c'est pour ça que c'est important, tu sais, de commencer à y voir avec un comité logement. Puis il y a aussi, la commission offre aussi un service un peu, qui est pas forcément très, très connu, là, mais un service un peu d'urgence, là, où, surtout dans cette période-ci, un locataire qui serait victime de discrimination, qui appelle à la commission, si c'est bien expliqué, puis la personne au bout réussit à comprendre le problème, là, ce qui n'est pas toujours évident, mais dans cette période-ci, la commission peut aussi appeler les propriétaires pour leur dire que la discrimination est interdite. Donc ça peut faire débloquer aussi. Il y a comme un service d'urgence là, au niveau de la discrimination dans le logement. Mais il faut appeler son association de locataires pour en savoir toujours, plus. Toujours, pour être bien préparé puis pas se faire avoir. Donne donc le numéro de téléphone, tant qu'à faire. C'est 523-6177. Ça, c'est pour le bail. Qu'est-ce qui vous a amené à manifester chez Laurent Lessard, ce ministre des Affaires municipales? Ben, c'est un ministère un peu fourre-tout. Donc, parmi ses nombreuses responsabilités, ben, Laurent Lessard, il y a celle de l'habitation, qui n'est peut-être pas celle pour laquelle il semble avoir le plus d'intérêt, mais quand même. Donc, Donc, c'est ça. On est allé manifester devant les bureaux du ministère pour que, dans le fond, pour dire que M. Lessard mette ses culottes puis fasse son travail puis mette en place des lois, tu sais, dans le fond, qui interviennent pour réglementer, encadrer juridiquement le processus de location de l'offre. Ce serait quoi votre solution d'encadrement? Nous, ce qu'on voudrait, c'est, dans le fond, comme j'expliquais tantôt, dans le fond, c'est soit la régie qui a une juridiction sur le processus de location. Le processus de location est... C'est ça, c'est le vide. Donc, okay. La régie du logement est le processus de juridiction. Un autre des problèmes aussi qu'on dénonce, qu'on voudrait aussi qu'il soit banni, c'est tous les formulaires aussi de location qui permettent aux propriétaires de collecter des renseignements personnels qui leur permettent de faire de la discrimination un peu indirectement. Souvent, ils vont le faire directement. Tu es à l'aide sociale, tu dis, ben, moi, je suis à l'aide sociale, puis ils vont dire, non, moi, je loue pas de BS, tu sais, pour être cru. Mais l'autre manière un peu plus subtile de le faire, c'est faire remplir des formulaires de demande de location au locataire où là, on demande. Jusqu'à ta marque de voiture. Ta marque de voiture, donc, tu sais, hein, on demande le nom de ton employeur, l'âge des occupants, toutes ces affaires, le nom du conjoint, sa date de naissance. Donc, c'est tout pour. C'est des questions qui vont permettre de dresser un peu le profil. Ça, les gens n'ont pas à remplir ça. Ben, ils n'ont pas à remplir ça, le problème. Ils ont pas l'autre, on leur dit, remplissez-les pas. Dans le fond, tout ce que les propriétaires ont besoin de savoir quand on veut louer un logement, c'est le nom, l'adresse puis le numéro de téléphone qu'on a. Okay. C'est tout ce que ça prend. Le problème, c'est si on le remplit pas, ben, le propriétaire, il va prendre quelqu'un à qui il l'a loué. Donc, de là encore, vu que c'est le vide juridique puis qu'il n'y a rien qui encadre ça, ben. OK. Donc, bon, il y a cette manifestation-là et tout. C'est vraiment pas votre seul dossier. Puis, en fait, il y en a plusieurs qui sont interconnectés. C'est quoi les prochaines échéances dans le calendrier du bain? Ben, le prochain grand rendez-vous, là, ça va être au début juin. Il y a une grande manifestation nationale qui va se dérouler à Québec, organisée par le regroupement des comités logements, associations locataires du Québec. Donc, on va aller manifester pour le contrôle des loyers. On sait que le coût des loyers, ben, augmente sans cesse. On est rendu à 31% depuis le début des années 2000 d'augmentation de loyers moyennement au Québec. Donc, on va aller manifester pour demander le contrôle des loyers par l'instauration d'un registre des baux, qui est une des luttes qu'on a menées, qu'on mène depuis plusieurs années, puis qu'on risque de devoir continuer. Donc, on demande que les baux soient enregistrés dans un registre public pour que les locataires, particulièrement lorsqu'on emménage dans un nouveau logement, qu'on puisse aller consulter le registre pour s'assurer que le propriétaire n'a pas profité des déménagements comme ils font souvent pour augmenter abusivement le loyer. Évidemment, c'est lié avec l'encadrement juridique de la recherche de logement, dans le fond. Tout est lié. Tout est lié, là, c'est clair, là, de toute façon. Oui. Jonathan Carmichael, Dubaï, ben merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, merci. Est-ce qu'on a de la musique, nous autres? On va aller écouter un groupe de Québec, Zéphyr Artillerie et L'Horloge. Vous êtes à Voix de fait. Hey, vous êtes de retour à Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Voix de fait, comme on le dit à chaque début d'émission, c'est l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. Le collectif Anarchiste la Nuit, c'est un groupe de politique de Québec qui est membre d'une organisation un peu plus large au Québec qui s'appelle l'UCL. Puis une fois de temps en temps, il nous arrive de prendre des initiatives au niveau international et... dans les derniers jours, il y a deux choses qui ont attiré l'attention de notre réseau international. La situation en Grèce, on a signé un appel de solidarité avec le peuple grec qui est victime d'une expérience économique. En fait, c'est le laboratoire du démantèlement social qui nous attend toutes et tous demain. Ça se ramasse sur notre blog. Et on est aussi signataire tout récemment d'une déclaration libertaire de solidarité avec les camarades de Oaxaca au Mexique. Oaxaca. Comment tu dis ça? Oaxaca. C'est comme un J, en tout cas, peu importe. Oaxaca. C'est comme un Mexico, en tout cas. Bon, en tout cas, bref. Whatever. Toujours est-il qu'il se passe des choses vraiment pas évidentes dans cette province mexicaine. Ouais, c'est quoi qui s'est passé? Il y a un groupe de marcheurs pacifistes. Ouais, c'est le 27 avril 2010. Il y a une caravane solidaire d'observateurs qui s'en allait en direction de la municipalité autonome de... Ah là, tu vas rire de moi. San Juan de Copala. Ah, tu l'as. À Oaxaca, au Mexique. Donc, qui a été sauvagement attaqué par des paramilitaires qui sont liés au gouverneur Ulis Ruiz Ortiz, qui a donné lieu à la mort de la camarade Beatrice Alberta Carino Turrillo, et ainsi que Cassel du camarade finlandais Jiri Jakola. Alors, voilà, ça s'est passé le 27 avril, et suite à ça, il y a une quinzaine d'organisations anarchistes présentes sur quatre continents qui ont signé une déclaration qui déclare ce qui suit. Un, notre totale solidarité avec les familles des valeureux camarades assassinés d'une manière si cruelle. Nos pensées sont avec ceux qui souffrent aujourd'hui de la perte d'êtres qui leur étaient chers. Deux, notre appui politique aux différents processus d'organisation à la base du peuple de Oaxaca, malgré le terrorisme d'État, qui continue à faire avancer la lutte pour l'autonomie et la libération des peuples de la population. Donc, notre soutien politique aussi va spécialement aux organisations qui sont les victimes directes de cette répression, soit le Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unido, le Cactus, et, je vais pas essayer, Vocal. Une autre organisation, de voix, de Oaxaca pour construire l'autonomie et la liberté. Et que notre sympathie, notre soutien, on affirme notre sympathie, notre soutien à la municipalité autonome de San Juan de Copala, qui est actuellement encerclée par les paramilitaires d'Ubisoft, qui ont coupé l'électricité, qui empêchent tout ravitaillement alimentaire avec des barrages sur les routes et qui tuent et harcèlent la population depuis des années, et ce, en toute impunité. Et que le paramilitarisme a lieu avec la complicité des caciques et des chefs locaux au service des mafias du corrompu PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, parti de l'actuel tyran de Oaxaca, Ulis Ruiz Ortiz, et que ceci n'est pas un événement isolé, mais que ça s'inclut dans une longue série de menaces et d'attaques de la part de l'État contre les peuples et les organisations en résistance qui font partie du tissu social de cette lutte intrinsèquement libertaire. Depuis 2006, la répression s'accentue, les autorités ont amplement montré leur brutalité, et ce dernier crime fait partie de ce processus de terrorisme d'État. Ce crime nous a durement touchés, mais ne nous a pas surpris. En conséquence... C'est oui. Ça, si je ne m'abuse, en 2006, ça a commencé avec une grève d'enseignants. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ça finit en insurrection générale. C'est ça. Plus ou moins pacifiste. La population a embarqué là-dedans, bon, etc. Ouais, les militaires, ont essayé d'envahir la place, et puis il y a eu des barricades et tout ça, ça l'a pété, mais solide. Et depuis, il y a des comme au Chiapas, en fait, il y a des municipalités autonomes qui se sont mises sur pied, puis en tout cas, bref, il y a une situation de contre-pouvoir pour la contestation du pouvoir d'État. En conséquence, les organisations signataires exigent, un, la clarification des événements concernant le meurtre de nos camarades, suivi du jugement et du punissement des responsables, qu'ils aient agi d'une manière matérielle, intellectuelle ou politique. Deux, la fin du siège criminel de la municipalité autonome de San Juan Copala par les paramilitaires. Nous n'avons aucune illusion sur le fait que les autorités acceptent ces demandes et coopèrent, mais nous savons savons bien qu'en fin de compte, ce sont elles les responsables de cet assassinat, utilisant les paramilitaires pour faire leur sale travail. Ces exigences ne peuvent se réaliser qu'avec la lutte du peuple, par la pression que les organisations populaires sont capables d'exercer et sa capacité de mobiliser par en bas. Nous prenons cette opportunité pour exprimer notre solidarité avec ce peuple et exprimons notre volonté d'appuyer et d'accompagner les futures initiatives pour rompre le siège paramilitaire et vaincre l'alliance du gangstérisme politique, du paramilitarisme mafieux et des caciques oligarchiques. On s'entend-tu que tout d'un coup les problèmes du Parti libéral du Québec prennent une autre dimension? Nous faisons de la lutte du peuple de Wakaka notre propre lutte. Nos yeux sont à Wakaka, main tendue à nos camarades, poing serré contre le tyran. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site, surtout si vous lisez espagnol en fait, le castillan, vous pouvez aller sur le site de Anarchismo. Il y a plusieurs trucs là-dessus sur ce qui se passe au Mexique. C'est vraiment pas beau la situation au Mexique en ce moment. Donc Anarchismo, c'est A-N-A-R kismo.net. Donc, puis vous aussi, allez sur Voix de fait. Oui, Voix de fait avec un x et un s.blogspot.com. Et ben, c'est pas mal ça qui va mettre fin à cette édition de Voix de fait. Tu vas pas un truc sur la Grèce, on t'en a parlé tantôt. Oui, mais c'est parce que tu joues ma feuille. Ah, c'est correct. Ça a mal imprimé. C'est des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent. Mais en fait, en Grèce, il se passe plein de choses. C'est vraiment quelque chose à suivre. La situation en Grèce, c'est ça. Non, ben on invite encore les gens évidemment à participer à la marche GLBT le 15 mai prochain. Oui, rendez-vous 13h30 à l'Assemblée nationale. C'est la marche dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie. Et comme le hasard fait bien les choses, on va passer devant le congrès de campagne Québec Vie. Drôle d'hasard. Il y a aussi samedi, il y a quelque chose, non? Ouais, mais il fallait s'inscrire, fait qu'on va laisser faire. Ok. En fait, il y a le Centre Justice et Foi et le site web Presto à gauche qui organise une journée d'études sur l'anticapitalisme au cégep de Limoilou. Mais effectivement, il fallait s'inscrire. Et puis bon, comme on veut pas réduire la mobilisation du GLBT, rendez-vous à 13h30 devant l'Assemblée nationale pour une marche contre l'homophobie. Et comme on est fin, on va vous laisser avec une pièce et une drôle de coïncidence parce que ça va justement parler de frontières. Alors c'est Bilbao de Ludwig von 88. Semaine prochaine. C'était Nicolas en compagnie de... François. Et merci. Chanson contre les douaniers. Contre les frontières. Allez, allez, allez. Yes, man, cette bruit. Chanson s'appelle Bilbao. Fête du trash. Ce soir, c'est la fête à tous les trash. Ah oui, ils allument le son ce soir. Journée. I wanna work for the KGB. Say oh, pirates in a white suit.